Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle preview. Je suis accompagné de Vincent. Salut Vincent, comment ça va? Salut Gus, salut tout le monde. Et bah écoute, ça va nickel, ça va nickel. Est-ce que tu prends un peu plus de plaisir au fur et à mesure que les previews avancent et qu'on parle d'équipes un peu plus intéressantes? Bah alors là, dans l'équipe qu'on va parler aujourd'hui, un peu mon chouchou, donc forcément il y a un peu d'intérêt quand même. Ceux qui écoutent les épisodes d'habitude vont savoir de qui on va parler, juste en ayant dit cette phrase. Du coup, aujourd'hui, on s'occupe des Minnesota Timberwolves pardon, et de Rudy Gobert, évidemment. Petit clin d'œil à Vincent. La saison dernière, Minnesota a terminé 8e donc, dans le play-in et a terminé à 42 victoires, 40 défaites. Ils sont fait au premier tour du play-in battre par les Lakers et au deuxième match du play-in ils ont battu OKC pour choper la 8e place face à Denver en play-off et ils ont tout simplement perdu face aux champions en titre mais de manière très honorable parce qu'en fait ils se sont super bien défendus. En plus d'ailleurs c'était bizarre parce que il y a eu la bagarre entre guillemets entre Kyle Anderson et Rudy Gobert juste avant le playoff et on a aussi tu te rappelles du nom du joueur qui a mis un coup de poing dans le mur et qui s'est blessé à la main? Jalen McDaniels. Ah c'est McDaniels. Ah oui. Qui la veille ou le dernier match de saison ou de play-in a tapé dans le mur et s'est blessé pour tout le reste de la saison. On a une belle brochette de champions dans le Minnesota. Comme quoi, Jimmy Butler avait raison. Jimmy Butler a toujours raison. C'est ce qu'il faut retenir pour tous les amateurs de NBA. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait toujours raison pour les coupes de cheveux. Enfin, bref. Ça c'est autre chose. question mode, on évite de se prononcer. Petite chose qui m'a chiffonné la saison dernière, c'est les 29 matchs seulement de notre cher Karl Anthony Towns, qui a été blessé une grande partie de la saison, qui est quand même revenu à la fin. Mais l'adaptation du coup entre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns n'a pas vraiment eu lieu. Ça a été compliqué. Peut-être qu'en fait, ça se trouve, le binôme d'intérieur qui marchait le mieux, c'était Nasrid Gobert au final. Sur la globalité de la saison et là oui tu peux faire cette tête Vincent, ça fait peur parce que quand tu sais que tes deux postes 4 et 5 c'est Nasrid et Rudy Gobert et tu te dis bon et eh ben on va pas aller bien loin avec ça. Ça c'est sûr. Mais du coup bon, 4 était là pour les playoffs donc ça a permis aussi de faire une bonne prestation face aux Nuggets. Mais malgré tout, ça reste hyper décevant. On attendait un peu plus. On a Anthony Edwards qui a pris en responsabilité All-Star, Anthony Edwards, il me semble. Ouais. Donc pour le coup, super saison pour lui. Il a confirmé ça d'ailleurs cet été avec une belle Coupe du Monde. Une grosse Coupe du Monde, ouais. Après, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de. C'est l'équipe de qui machin, c'est l'équipe d'Anthony Edwards, les Wolves. Oui. Il y a eu un moment, un débat, est-ce que c'est l'équipe de Towns, est-ce que c'est l'équipe d'Edwards? Non, il n'y a plus de débat. Towns, il n'est pas là, le mec. Comment Towns... tu peux avoir une équipe sans ah, être oui, là? Bah, tu peux pas. Donc, Anthony Edwards, lui, je ne sais pas, je vais aller regarder. Moi, je ne suis pas sûr qu'Anthony Edwards ait raté beaucoup de matchs l'année dernière. Voilà, il a joué 79 matchs. Sur 82, sur, c'est sur pas 82, dégueulasse. Voilà. Le mec, il joue, il statistiquement, il produit. Alors... Et la mentalité, en fait, là, le mec, il a une mentalité de gagnant, en fait. C'est ça. Ils ont pris un match contre Denver au premier tour. Oui, oui. Et sur le premier. Et en fait, il disait, non, mais moi, c'est hors de question, je me fais pas sweeper, en fait. Ah, mais oui. Tu vois, c'est clairement ça, ce match-là. Il sait qu'il est moins fort que l'équipe en face. Enfin, il est conscient de ça. Mais par contre, il dit quand même, bah non, mais moi, c'est mort, je me fais pas sweeper, en fait. Moi, je vais gagner un match. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais gagner un match tout seul s'il faut. Mais, ouais, mais c'est ça le problème aussi, Vincent. C'est que ouais. Aller gagner ce match individuellement parce qu'il y a une certaine fierté et que tu es un joueur qui vise la win tout le temps, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul. Ouais, c'est ça. Et là où, en fait, peut-être que tu peux faire un peu plus chier les grosses cylindrées comme Denver ou en play-in, ça se trouve, face aux Lakers au premier match, ça se trouve, ils passent 7e et c'est plus la même campagne de play-off, tu vois. Mais à ce moment-là, il faut éviter que tes joueurs mettent des coups de poing dans le mur, que les joueurs se battent entre eux, et qu'au final, tout le monde soit derrière Anthony Edwards pour essayer d'aller vers le haut. Et là, pour l'instant, c'est pas l'impression que Minnesota donne, quoi. Et ça, c'est dommage. Et le truc, c'est que je pense que moi, Anthony Edwards, il a les épaules, il a le talent pour être franchise player. Il l'est déjà, d'ailleurs. Mais il lui faut un lieutenant aussi, en fait. Et là, le lieutenant, pour l'instant, il l'a pas. Pour l'instant, il n'a pas les lieutenants qui vont faire qu'il va pouvoir jouer les playoffs, il va pouvoir aller loin en playoffs. Et voilà, et c'est un problème. Towns, comme tu l'as dit, il a joué 28 matchs la saison dernière. 29. Mais bon, ça reste trop peu. Donc oui, c'est pas assez. C'est pas assez quand on sait qu'il se proclame meilleur shooter à 3 points de la NBA. Meilleur intérieur shooter de la NBA. Il n'y a pas dit de l'histoire, d'ailleurs. Ah oui, c'était de l'histoire d'ailleurs. Ouais, c'est un balade. C'est encore pire. Ouais, vas-y, lui, c'est un ouf. Enfin bref. Mais il a gagné beaucoup à 3 points, je crois. Eh oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, mon Vince? Eh bah, ils ont. Il n'y a pas eu 25 000 trucs pour les Wolves. Mais ils ont récupéré Troy Brown Jr., qui peut être un petit ajout en sortie. Rotation, poste voilà, forward, 3-4. Voilà, c'est ça exactement qui va être ouais, 9, 9e, 10e dans la rotation. Et ils ont récupéré Shaq Milton à la free agency. Ça, c'est une bonne pioche. À la main, là, en sortie de banc, ça peut faire bien du bien. Les Sixers. Et il saura assumer la main quand les titulaires ne sont pas là. Je pense que du coup, ça risque d'être Mike Conley encore cette année. Ouais. Donc, il peut quand même assurer ça. À la draft, ils n'ont pas eu. Ils ont eu un 33e tour de draft et un 53e tour de draft. Donc, ils ont pris Leonard Miller. Et Jalen Clark, ce n'est pas des noms qui sont flamboyants. On verra. Il y a des fois, il y a des bonnes surprises dans les rookies. Donc, à voir comment ça se développe. Et après, ils ont perdu Nathan Knight, là. Je ne connais pas. Et Torian Prince. Quoi? Nathan Knight, il a signé chez toi. Hein? Il a signé Onyx. Ouais, je pense qu'il ne jouera pas. Donc, Mais ce qui est bien, ça fera un mec avec... Ça fera un rebondeur avec Evan. C'est ce ça fera un mec dire. Avec Evan. Enfin, super. Et Torian Prince qui a été coupé, du coup. Ouais, mais ça, c'est Et dans les free agents, ils ont perdu aussi Jalen Noel. Ça, c'est pareil, c'est dommage, parce qu'il apportait quand même... Je trouvais qu'il avait quand même un impact, Jalen Noel, il était intéressant. Et ouais. Austin Rivers, bon, Austin Rivers... Ouais, bah tu as perdu Austin Rivers, vétéran backup meneur, et tu récupères un jeune en Shaq Milton qui a faim de ballon et qui a vraiment envie de montrer ce qu'il est capable. Et moi, pour l'avoir vu jouer sous le maillot des Sixers, je peux vous dire que c'est une très bonne pioche, ce petit Shaq Milton. Moi, j'ai une question pour toi. Comment tu combles la séparation de l'éviction de Torian Prince, sachant que ce joueur-là t'amenait beaucoup de spacing et de défense? Comment tu fais? Je sais pas trop comment ils vont faire parce qu'en fait, ils ont pas mal de joueurs qui sont dans la raquette, en fait. Ouais. Et parce que, alors, Towns peut s'écarter. Towns, j'ai peur qu'en fait, Towns s'écarte de plus en plus. Et que du coup, il aille même plus jouer des 1 contre 1, il aille même plus jouer les post-up et qu'il passe son temps à chuter à 3 points. C'est vraiment ma grosse crainte pour lui. Parce que le souci, c'est qu'on sait que les joueurs qu'il y a là, Kyle Anderson, c'est pareil, il peut jouer extérieur, mais c'est pareil, c'est plus un mec qui va aller dans la raquette et qui va pas trop shooter au large. Jaden McDaniels, pareil. Donc en fait, il n'y a pas trop de mecs qui sont capables de t'écarter un peu les défenses. Hormis, alors, du coup, Anthony plus, plus sur le poste 2-3, tu as Nickeil Alexander-Walker, le cousin de Shai Gilgeous-Alexander, le Canadien, qui du coup a fait une super Coupe du Monde et qui en plus de ça... voit ses pourcentages à 3 points augmentés. Alors après, il faut voir le volume qu'il pourrait prendre s'il arrive à choper un bon temps de jeu. Mais ça reste la seule piste viable, je pense. Mais ça reste pas non plus un bon remplaçant de Torian Prince, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'attends de voir. Je trouve que leur effectif, il n'est pas forcément ultra bien, ultra homogène, dans le sens où pour moi, ils ont pas assez d'extérieur qui peuvent être vraiment intéressants dans le jeu. Enfin, si, ils en ont, mais... Alors que, par contre, ils ont plusieurs postes 4-5, là, 3-4, là, des forwards, là, mais ils en ont plein de ça, et pour autant, tu peux pas faire jouer tout le monde en même temps. Surtout que c'est plein de mecs qui ont le même registre. T'as pas personne qui sort du lot. C'est un peu dommage, j'avoue. Après, Les Wolves, c'est aussi compliqué. Hein. Quand t'as la masse salariale des Wolves, tu commences à chialer aussi. Hein. Parce qu'il y a quasiment trois contrats max. Ça commence à calmer, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. Puis d'autres, tu t'enfiles déjà à Rudy Gobert. Donc, C'était sûr que t'allais faire. Mais c'est, faut bah être oui. aussi... Non, mais après, faut c'est pas eux qui l'ont donné à Gobert. C'est Utah qui l'a donné à Gobert. Oui, non, mais c'est Utah qui l'a. Mais sauf que Minnesota, ils l'ont récupéré, son contrat. Ah, bah oui, ils étaient contents. Et ils étaient en connaissance de cause, hein. Ils ont pas signé en mode. Ah, il prend 40 000 l'année, 50 millions l'année. Bah oui, en fait. Donc, mec, oui, tu payes un mec à prendre des rebonds et à rater des shoots. Ça c'est bien, rater des layups. Parce que je suis désolé, il joue. Attends. 11 rebonds, 13 points, 11 rebonds l'année dernière. À 65% au tir. Pour Rudy Gobert, c'est catastrophique. Il ne prend pas de tir à moins de 5, à plus de 1 mètre du cercle. Ah bah non. Il faut 1 mètre du cercle, tu dois être à 75% de réussite minimum, voire 80. Enfin, c'est... la saison où DeAndre Jordan il finit meilleur pourcentage de la ligue, là, il devait être à 77 ou 78% de réussite. Ouais, ah bah il mettait que... Il y avait Chris Paul qui m'a envoyé de la loupe. Ah, mais il mettait que les dunks, hein, mais le mec, il ratait pas au moins les dunks. Gobert, il est capable de rater les dunks. On n'est quand même pas sur... Faut qu'on arrête de parler de Gobert, parce que je vais venir. Il préfère taffer son tir à 3 points plutôt que son jeu à l'intérieur, donc chacun son truc. Ouais. Comment tu les classes dans la Conférence Ouest cette année ? Alors moi, dans la Conférence Ouest, je les vois tout juste en play-in cette année. J'aurais pu monter un peu plus haut parce que Anthony Edwards, mais je trouve que le manque d'homogénéité de l'équipe, plus le fait que Karl-Anthony Towns, moi j'ai vraiment du mal avec lui dans le sens où déjà les dernières il a pas joué beaucoup et même quand il joue, il est pas régulier, il est pas, enfin, je sais pas, j'ai du mal avec ce joueur et du coup quand c'est censé être un de tes leaders. Et qu'il n'est pas là, pour moi, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, l'année dernière, ils ont été en play-off même. Mais là, moi, je les vois tout juste au port du play, je les mets 10e. Je les mets également 10e. Je pense que l'absence de Taurean Prince ou de ce genre de joueur va leur faire du tort. Tout aussi talentueux qu'il est, je pense pas que Towns va encore faire une saison complète. Ça risque d'être un peu écourté avec des petites douleurs, etc. Et je pense que ça va être préjudiciable pour les Wolves. Et s'ils sont en play-in, c'est très bien. Donc 10e. Et surtout, je vois les autres équipes concurrentes dans ce range-là. Soit plus, vraiment. Enfin, je pense qu'elles sont vraiment plus fortes. Par contre, en revanche, attention. Parce qu'en play-in, sur un match, il y a Anthony Edwards. Donc en fait, ça se trouve, t'es 10e, mais tu peux quand même aller en play-off. Les Wolves, l'objectif c'est d'aller en play-off. Je pense que le chemin va être très dur, mais s'ils le refont une nouvelle fois, on pourra que féliciter ce groupe-là et notamment Anthony Edwards qui aura su mener cette équipe. Voilà. Petite note d'intérêt. Où est-ce que tu me les mets ? Je dirais 5-6 parce que les 6. Parce qu'Anthony Edwards, et qu'en fait, je suis quand même intéressé par Gobert, parce que c'est vraiment très drôle de regarder jouer. En fait, quand j'ai pas le moral, je regarde un match de Gobert et puis je me marre. Salut, je sais pas attraper la balle. Moi, du coup, je vais mettre un 5. Un 5, et ce sont 5, cette note de 5 est seulement pour Anthony Edwards. Voilà. Et Kyle Anderson aussi, que j'aime bien, parce que slow-mo, c'est toujours marrant. Slow-mo. Ouais, c'est donc, clair. Donc voilà. Et par contre, si ça performe, il y a moyen que ça clique plus. En attendant, en ce début de saison, c'est 5. Voilà. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes et les previews précédentes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Ciao ! Salut tout le monde !